بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc c'est notre troisième assise autour de la risale de son éminence الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. الدروس المهمة لعامة الأمة، les cours importants pour le commun de la communauté. Et nous sommes pour cette première séance dans l'explication du Coran, des versets que Cheikh, des sourates que Cheikh il a cités. Et nous sommes arrivés, nous sommes arrêtés à Sourate Takathur que nous allons prendre aujourd'hui l'interprétation de cette sourate, Takathur, qui veut dire le fait d'être préoccupé par ce bas monde pour se montrer, pour se vanter, pour se donner une image. Et cette sourate a été appelée Takathur, qui veut dire vous êtes préoccupé par le ramassage de l'argent et par vos enfants et par vous allier ainsi de suite pour que vous fassiez une image, que vous faites voir, que vous faites voir devant les autres, que vous vous donnez une situation et une place, et ainsi de suite. Et le rapport qu'il y a entre cette sourate et celle d'avant, c'est que sourate Al-Qari'a, dans sourate Al-Qari'a, nous avons vu certains aspects du jour de la résurrection. Et nous avons vu aussi dedans, il y a dedans, la récompense pour les heureux et le châtiment qui attend les malheureux. Et dans cette sourate qui est Takathur, il nous montre la cause qui prévaut pour l'être humain, le feu de l'enfer. Et cette cause, c'est le fait d'être préoccupé par ce bas monde en délaissant la religion. Et de faire des péchés, et de ne pas faire attention à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'avertissement d'Allah subhanahu wa ta'ala, au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette sourate, il y a l'avertissement avec ce qui nous attend dans le delà. Si on délaisse notre religion et on se préoccupe tout simplement de ce bas monde et d'amasser ce bas monde, la sourate a commencé ainsi. Al-haakumut takathur. Aïe, ça veut dire que le ramassage d'argent, le fait de ramasser l'argent, vous êtes préoccupé par le fait de ramasser l'argent et pour vous, ayez de l'orgueil et vous montrez devant les gens. Vous êtes préoccupé avec tout ça en délaissant l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Tout ceci vous a préoccupé jusqu'à ce que vous arriviez dans la tombe. Vous êtes préoccupé. Le verset nous dit qu'on s'est préoccupé de l'argent et d'amassage de l'argent et du fait de s'enorgueillir devant les autres, etc. Et pour se montrer, se vanter devant les autres, avec la fortune et les enfants, jusqu'à ce que la mort est arrivée. Et le verset par la suite nous rappelle alors, Kalla saufa ta'lamun. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, vous allez le savoir. Vous allez le savoir quand vous allez rentrer dans vos tombes, que vous étiez dans l'erreur, et vous allez rencontrer vos erreurs. Kalla ay haqqan, en vérité, vous allez le savoir, il répète. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Il répète, il dit, en vérité, vous allez le savoir, et vous allez le savoir avec certitude. La fin de celui qui amasse de l'argent, s'il se préoccupe d'amasser de l'argent, qui oublie les obligations de Allah subhanahu wa ta'ala, et qui se vante devant les gens par sa fortune, etc. Il va savoir la réalité. La réalité, ça va être quoi? La certitude, quoi? La taraoun al-jahim. Et vous allez voir l'enfer. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. Et vous allez la voir avec certitude. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Et ce jour-là, le jour. Le jour de la résurrection, vous allez, des questions vous seront posées sur les bienfaits avec lesquels vous étiez comblés. Votre santé, le temps libre que vous avez, la sécurité, votre bouffe, votre boisson et ainsi de suite. Cette sourate qui est une sourate mikwaze blâme le fait de vrai tout simplement pour ce bas monde. Il avertit tout un chacun de nous qui délaisse le fait de se préparer pour le delà. C'est pour ça qu'il y a trois buts qui sont traités dans cette sourate. Le premier, où il nous montre les gens qui se préoccupent avec les plaisirs de ce bas monde et avec les futilités de ce bas monde, ils tombent dans le fait d'être inattentifs à la mort et à ce qui suit la mort. Vous êtes préoccupés par l'amassage et par ce bas monde, hein, jusqu'à ce que vous êtes arrivés aux tombes. Deuxième but qui nous avertit que les questions vont être posées à tout un chacun de nous pour tous les œuvres le jour de la résurrection. Certes, vous allez le savoir. Et en vérité, vous allez le savoir. Il répète le verbe pour confirmer. Le troisième but, c'est la menace. Comme quoi, il y aura la vue du feu de l'enfer avec certitude. Et les gens qui sont dans cette situation-là vont faire face aux événements du feu. Et alors, des questions seront posées sur les bienfaits qu'ils ont eus dans ce bas monde. Donc c'est pour ça, il est très important, quand on lit dans le Coran, qu'on médite. Comme ça, quand on médite ce qu'on lit dans le Coran, on sort avec une leçon. Notre cœur en profite. C'est pour ça qu'il est de notre devoir de savoir ce que nous disons. Que ce soit dans les invocations, que ce soit dans la lecture du Coran, dans notre génuflexion, dans notre prosternation. Pour faire attention à tout. Et pour quand on a dans le verset des promesses du paradis, des délices, etc., ça doit être notre leitmotiv pour nous pousser à œuvrer encore plus. Et qu'on entend et qu'on comprend les avertissements qu'il y a dans les versets, ça doit nous freiner à transgresser les lois d'Allah et à tomber dans la désobéissance. Et à, quand on tombe dans la désobéissance, c'est de revenir tout de suite vers Allah subhanahu wa ta'ala tant qu'on est vivant et de vrai comme il se doit. C'est ça la réelle lecture du Coran. La cause de la révélation de cette sourate, dans l'authentique du muslim, de Mutarraf, de son père, il a dit, je suis venu voir le prophète alayhi salam et il lisait Al-Hakum al-Thakatur. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le descendant d'Adam, il dit, ma fortune, ma fortune. Et le descendant d'Adam n'a de sa fortune que ce qu'il a mangé et qu'il a fait périr. Ou ce qu'il a, les choses avec lesquelles il s'est habillé, ils sont devenus vieux. Ou ce qu'il a donné en aumône, et cela, il l'a mis en avant pour le delà. En dehors de ça, il va partir, il va tout laisser aux gens. Il va laisser aux héritiers. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, yaqul ibn Adam, يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. Donc dans ce hadith il est clair. Rasoul Sallallahu Alaihi dit que le descendant d'Adam, il dit ma fortune, ma fortune. Et Rasoul Sallallahu Alaihi lui pose la question, lui dit, et le descendant d'Adam n'a de sa fortune que ce qu'il a mangé. Et ce qu'il a mangé, il va partir aussi. Il part. S'il l'a mangé, c'est que c'est fini. Il va le rejeter après. Et tu as que les choses de ta fortune avec lesquelles tu étais habillé. Et donc ils sont devenus vieux. Ça y est, ils sont partis aussi. Et tu as le monde que tu auras donné, la charité que tu as donnée, ça tu l'as mis en avant. En avant pourquoi? Pour le delà. Et Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, il dit, en dehors de ça, l'être humain, il va tout laisser derrière lui aux gens. Et le sens général de cette sourate, ça c'est un discours dans cette sourate avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à ceux qui se préoccupent d'amasser de l'argent pour se vanter, pour se montrer. Et que agir ainsi l'aura fait oublier l'obéissance à Allah et à son messager. Ils sont morts, ils n'ont rien mis en bonne œuvre pour eux, pour le delà. Ça, vous vous êtes préoccupés à ramasser de l'argent et à vous vanter jusqu'à ce que vous êtes arrivés aux tombes. Hein? Jusqu'à ce que le mort vous a pris. Pour que vous restiez dans vos tombes jusqu'à ce que arrive le jour de la résurrection, vous allez sortir de vos tombes et vous allez aller vers les comptes, la récompense ou le châtiment. Et c'est pas comme ça. Et dans la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ah, et que nous devons, si on est préoccupé tout simplement par ce moment pour se vanter, qu'on oublie les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, nous devons revenir et changer de comportement avant d'aller à sa perte. Car il est dit dans cette sourate, vous allez savoir la fin, hein, vers où va vous amener le fait d'être préoccupé par ce bas monde et se vanter pour, avec ce que vous avez amassé, on dit laissons l'obéissance. Allez voir où est-ce que ça va vous amener. Et donc, dans la sourate, il y a un avertissement très sévère et une menace très sévère. Disons que si vous savez avec certitude ce que vous allez trouver dans votre tombe, et le jour où vous allez être ressuscité, vous ne serez pas préoccupé à amasser de la fortune et à oublier les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala et à vous vanter. Et dans le verset, il dit, vous allez voir, avec certitude, le feu de l'enfer. Il n'y a aucun doute dans cette situation. Car le jour de la résurrection, le Jahannam sera vu par tous les gens avec certitude. Et des questions seront posées à tout un chacun de nous sur les bienfaits et les délices de ce bas monde qu'il a eu. Sa santé, son temps libre, la sécurité dans laquelle il vit, la bouffe, la boisson. Celui qui aura été reconnaissant et a rempli son devoir comme il se doit, il sera sauvé. Et celui qui n'a pas été reconnaissant, il n'aura qu'à se prendre à lui-même. Et il est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique hadith d'Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة قال الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيدي لا أخرجني الذي أخرجكما قوما فقام معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلان قالت يستعذب لنا من الماء. Et l'imam Muslim de nous rapporter dans son authentique qu'Abu Huraira radiallahu anhu arda'ah a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam une nuit est sorti et il a rencontré Abu Bakr et Omar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Dit, qu'est-ce qui vous a sorti à 7 heures de votre maison? Ils ont dit, Omar et Abu Bakr radiallahu anhu, la faim ya Rasoul Allah, nous avons faim. Il a dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, la faim qui vous a sorti, c'est elle-même qui m'a sorti. Venez avec moi. Ils sont partis chez un homme de Médine parmi l'Ansar. Et cet homme n'était pas chez lui. Et comme sa femme a vu le prophète, il a dit, bienvenue. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, où il est Foulain, où il est-elle? La femme a dit, il est parti chercher de l'eau. Il est parti chercher pour nous de l'eau. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم ضيافا مني Et tout d'un coup l'Ansari est arrivé, il a vu, il a regardé, il a vu le prophète عليه الصلاة والسلام et ses deux nobles compagnons, il a dit louange à Allah, aujourd'hui personne n'a de plus noble et honorable invité que moi. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه Et l'homme est parti, il est allé leur chercher une grappe de dattes dans laquelle il y avait des dattes fraîches et d'autres. Hein? Il leur a dit mangez de ceci. وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب. Et il a pris le couteau, il est parti. Et le Rasoul صلى الله عليه وسلم lui a dit, attention, n'égorge pas celle qui donne le lait. فَدَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاتِ وَمِنْ دَلِكَ الْعَذَقِ وَشَرِبُوا Et il leur a égorgé, et ils ont mangé de la brebis ou du mouton qu'il leur a égorgé, et ils ont mangé des dattes qu'il leur a servi, ils ont bu jusqu'à être rassasiés. Regardez cette générosité qu'avaient les Arabes. Hein? يقول فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. Et الرسول صلى الله عليه وسلم quand une fois ils sont rassasiés, ils ont bien mangé, ils ont bu, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abi Bakr et à Omar, par celui qui tient mon âme entre ses mains, vous allez être questionné sur ce bienfait aujourd'hui, le jour de la résurrection. Vous allez être questionné pour ce bienfait de ce jour d'aujourd'hui. Vous êtes sortis de votre maison, vous aviez faim et vous revenez chez vous alors que vous êtes comblé de ce bienfait. Et le nom de cet homme, il s'appelle l'Ansari Hada, il s'appelle Malik ibn Tihan, wa yukanna, et sa kunya c'est Abul Haytham, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. وصح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من اكتسبه وفيما أنفقه. Il nous a été rapporté, comme chez Tirmidhi et d'autres, authentiquement de notre messager, alayhi salatu wassalam, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout un chacun de nous, au moment où il lui sera posé des questions, il ne bougera pas le jour de la résurrection jusqu'à ce que les 4 questions lui soient posées. L'âge qu'il a eu dans ce bas monde, où il l'a passé, sa jeunesse qui fait partie de son âge, qu'est-ce qu'il en a fait? Sa science avec laquelle il a été comblé, qu'est-ce qu'il a fait avec sa science? Sa fortune, d'où il l'a gagnée et comment il l'a dépensée? D'où il l'a gagnée et comment il l'a dépensée aussi? Et nous devons prendre de ce verset, comme disent les hommes de science, de cette sourate et de ces versets qu'il y a dans ce sourate, l'avertissement contre le fait de se préoccuper à ramasser de l'argent tout simplement et oublier d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah et délaisser l'obéissance à Allah et à son messager alayhi salam pour l'amassage de l'argent. Nous devons faire très attention à ça. Deuxièmement, il est confirmé dedans le châtiment de la tombe. Hein? Troisièmement, il confirmait aussi dans cette sourate la résurrection, les comptes, la récompense ou le châtiment, et la question et la réponse aussi, tout est confirmé dans cette sourate. Quatrièmement, il y a dedans comme quoi l'être humain, le serviteur, il lui sera posé des questions sur les bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il l'a comblé dans ce bas monde. S'il est reconnaissant pour ces bas mondes, pour ses bienfaits dans ce bas monde, mais il sera gagnant. Et s'il est ingrat, la situation est différente. S'il est ingrat, il ne reconnaît pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, la situation est tout à fait différente. Hein? Il rentrera sous la volonté d'Allah. Si Allah il veut le châtier, ce sera justice accomplie. Et s'il lui pardonne, ce sera clémence min Allah Azza wa Jal. La situation est très dangereuse, n'importe comment, écoute l'islam. Nous devons faire attention à notre capital, qui est cet âge que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, et ce temps et ces années que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à passer dans ce bas monde. Il passe très vite. Les années passent très vite. Comme un nuage dans le ciel. Il est là, après il n'est plus. Hier, certains parmi vous avaient 20 ans, maintenant ils ont 30 ou 25 ou 40, et le temps comment il est passé. Et chacun de nous doit regarder, faire ses comptes, et regarder où est-ce qu'il a passé son temps, comment il l'a passé. Est-ce que, pour tous les bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala le comble, il le remercie comme il se doit. Et nous passons après à la sourate qui suit, qui est sourate l'Asr. Hein? La sourate qui concerne le temps à l'islam. Il a été appelé sourate l'Asr. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala fait le serment avec le temps. Wal-Asr, inna l'insana la fi khusr, par le temps. L'espèce humaine est en perdition. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait le serment avec ce qu'il veut. Hein? Fait le serment avec le temps, avec des parties du temps. Hein? Wad-duha, wal-fajr, et ainsi de suite. Mais l'être humain n'a le droit de faire le serment et de jurer qu'avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette sourate est très importante. Et le temps est très important, car il y a des leçons dans le temps. La nuit et le jour qui succèdent, ce sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui prouvent la grandeur d'Allah et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui doivent faire et qui prouvent qu'il est unique dans tout ce qu'il fait. Et la création lui revient à lui tout seul. Donc le culte doit lui revenir à lui tout seul. Et l'explication de l'Asr a été donnée beaucoup. On a dit que c'est la prière de l'Asr et passe pour son importance. On a dit aussi que c'est le temps, hein, dans lequel passent les mouvements de la descente d'Adam, ce qu'il fait comme bien et comme mal. Et parce que cette vie, hein, c'est le lieu des actes des serviteurs d'Adam, etc. Et on a dit que le temps, c'est depuis la création jusqu'à la fin des temps. De toutes les façons, ce temps est très important. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait le serment pour nous montrer son importance. Et donc, dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit par le temps, l'être humain, c'est-à-dire l'espèce humaine, et quoi? La fille rousse. C'est-à-dire, il va vers sa perte. Car son capital, c'est sa vie. Et donc, s'il meurt, en n'étant pas croyant, en n'ayant pas fait de bonne œuvre, il a perdu la grande perte. Et ça, c'est la réponse du serment. Et la réponse de ce serment, parle-t-on ? Sa réponse, c'est que l'être humain est en perdition. Toute espèce humaine, hein, sauf l'exception de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a fait leur exception. Lesquels ? Sauf ceux qui ont cru. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Sauf ceux qui ont cru et fait bonne œuvre. Ceux-là, ils sortent. C'est l'exception. Wa tawasaw bil haqq. Et qui se sont conseillés mutuellement la vérité. En croyant en la vérité. En parlant avec la vérité. En mettant en application la vérité. Et en se conseillant mutuellement la vérité. Et en ordonnant le bien, en blâmant le mal. Wa tawasaw bis sabr. Ils se sont conseillés aussi mutuellement la patience et l'endurance. Les uns les autres se sont conseillé la patience. Être patient sur sa religion. À la mise en application de sa religion, et ainsi de suite, être patient au fait d'ordonner le bien, et de blâmer le mal. Et la patience, c'est une puissance qui est à l'intérieur de la personne qui le pousse à supporter les difficultés, et à supporter les difficultés des mises en application, et à supporter aussi ce qu'il doit endurer, ce qu'il en découle, comme épreuve, ces épreuves il doit subir. Donc, l'exception est faite à qui ? Il est faite à ceux qui ont cru et fait bonne œuvre, à ceux qui ont réuni entre la foi et l'œuvre bénéfique, et qui n'ont pas été préoccupés par ce bas monde. Ils ont pris de ce bas monde ce qui va leur être utile, ce qui va leur faciliter leur vie, la vie des proches, de leurs proches, etc. Mais ils n'ont pas oublié les obligations d'Allah. La foi qui a été devancée par un savoir les a poussés à mettre en œuvre et à faire les bonnes œuvres, dont les deux piliers sont la sincérité et le suivi. Donc ils ne se sont pas préoccupés, ils ne se sont pas vantés pour ce bas monde. Mais ils ont pris de ce bas monde ce qui est nécessaire pour eux. Ils ont œuvré pour le delà. Et ce bas monde ne les a pas préoccupés. Hein ? Ne leur a pas fait oublier le delà. Et ça concerne les hommes et les femmes. Tout un chacun qui a la foi, qui a la bonne œuvre, rentre dedans dans ce grand gain. Il sort de la généralité des perdants. Faire la bonne œuvre, croire en Allah, une croyance qui est devancée par un savoir, et faire la bonne œuvre, et se conseiller mutuellement la vérité, en mettant en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, de s'éloigner de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Et on se le conseille mutuellement. Et on se conseille le fait de patienter. Et la patience, on doit patienter pour mettre en application les ordres d'Allah. On doit patienter pour ne pas tomber dans la désobéissance à Allah. On doit patienter, endurer des malheurs qu'on subit ou des épreuves qui nous arrivent. Et Allah subhanahu wa ta'ala réserve une énorme récompense pour ceux qui patientent. C'est pour ça, dans beaucoup de versets, tu trouves Inna Allaha ma'a as-sabirin. Allah est avec les patients, il les fait triompher, il les aide, il les protège, il les comble de ses bienfaits dans ce bas monde et dans le delà. Et il y a aussi un rapport entre cette sourate et la sourate d'avant. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré attirer notre attention dans la sourate Takathur, de ne pas se préoccuper par les choses de ce bas monde, parce qu'ils amènent vers la perte. Et le fait de s'en préoccuper en délaissant les obligations d'Allah, ceci, c'est un acte qui est blâmable. Il nous montre ici dans ce surat les choses avec un duquel il faut s'occuper, qui sont la foi en Allah, la bonne œuvre, le fait de se conseiller la vérité, le fait de se conseiller la patience, car il y a un grand bien pour l'individu dans tout ça, pour l'individu et pour les sociétés. L'imam Tabarani rahimahullah de rapporter de Ubaydillah ibn Hafs dit que quand les nobles compagnons de Muhammad alayhi salam se rencontraient, ils ne se séparaient pas avant que l'un ou l'autre ait lu la surat al-Asr jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin. Et après ils se saluaient et se séparaient. Comme il a été rapporté aussi par le Bayhaqi, il le rapporte, il le remonte à Abi Hudayfa. L'imam Shafi'i a dit, rahimahullah, si Allah subhanahu wa ta'ala n'a descendu pour ses serviteurs que cette sourate, il aurait été suffisante pour eux. Il aurait été suffisante à quel niveau? Pas au niveau des lois, mais au niveau des caractéristiques qu'il y a dedans. Parce que c'est l'être humain. Il a ces quatre caractéristiques. La foi en Allah, devancée par la science, et la mise en application, le fait de se conseiller le bien et la vérité, et le fait d'endurer pour tout ça et de se conseiller mutuellement la patience, ben il a tout le bien, il a acquis le bien de tous ses côtés. Parce que ce sont quatre caractéristiques qui sont très importantes. Ce sont des degrés. Celui qui les acquiert et qui base sa personnalité là-dessus, il arrivera au sommet. Le fait de connaître la vérité, le fait de mettre en application cette vérité, le fait d'enseigner cette vérité à ceux qui ne la connaissent pas ou qui ne la connaissent pas très bien, et le fait d'endurer quatre caractéristiques, le fait d'endurer pour apprendre et pour mettre en application et pour enseigner. Et comme disent les hommes de science, les deux qualités, il faut renforcer, il faut avoir une puissance au niveau de sa science avec la foi. C'est-à-dire qu'il faut savoir et croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la puissance scientifique en tout ce qui concerne Allah Azza wa Jal, il est invisible, et les attributs d'Allah, et ainsi de suite. Et la puissance des œuvres, c'est le fait de mettre en application, c'est le fait de mettre en application cette foi, et c'est la science qui la devance. Et ça permet à la personne, ces deux choses-là permettent à la personne d'être complet lui-même. Et après, il va compléter autrui en enseignant ce qu'il a appris et en patientant. Et en conseillant à la personne à qui il apprend la patience et l'endurance. Et en conseillant à celui à qui il apprend qu'il doit patienter pour l'apprentissage et pour la mise en application. Ce sont deux forces. La première force, il complète la personne, c'est le savoir et la foi. Le savoir qui est basé sur la connaissance d'Allah et ses attributs, etc. Ça, c'est la première force. La deuxième force, c'est la mise en application. Tout ce qu'il a appris, et les choses dans lesquelles il a foi en Allah, subhanahu wa ta'ala, en au-delà, etc., il œuvre, il fait des bonnes œuvres, qui découlent de la science, dont l'origine est le livre d'Allah et l'authentique de la sunna, avec la compréhension des pieux, ridwanullahi alayhim. Et avec ces deux puissances-là, il se renforce, il se complète lui-même. Après, partant de là, il complète autrui. En enseignant à autrui, et en patientant sur l'enseignant, quand il enseigne à autrui, et en conseillant à autrui, la patience pour la demande et la patience pour la mise en application. C'est pour ça que les hommes de science disent que les deux premières parties, les deux premières caractéristiques complètent la personne. Et les deux dernières caractéristiques complètent autrui. C'est-à-dire, quand la personne, il apprend, il a la foi, et il apprend qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala, et il met en application, là, il se renforce lui-même. Et il se complète lui-même. Et maintenant, quand il propage, quand il conseille, quand il enseigne, et quand il patiente, et quand il conseille le patient, il complète autrui. Et donc, c'est pour ça que l'imam Shafi'i l'a dit, si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait révélé que cette sourate, il aurait été suffisante. Parce que le peu de phrases qu'il y a dans cette sourate, il contient un grand bien dedans. Il y a un grand bien dedans. Il y a le bien. Hein? Tout le bien est contenu dedans. Il a louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sens général de cette sourate, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait le serment au début de cette sourate par le temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait le serment avec ce qu'il veut parmi ses créatures. Et quand il fait le serment avec quelque chose pour montrer l'importance de la chose ou l'honneur de cette chose. Et personne ne doit jurer ou faire un serment avec autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala fait le serment comme quoi, par le temps comme quoi l'espèce humaine est en perdition, sauf ceux qui ont cru, fait bonne œuvre. Et ceux-là, ce sont ceux qui ont connu la vérité et qui ont pris comme véridique la vérité, et ça c'est un degré. Ils ont fait des bonnes œuvres, et ceux-là, ce sont ceux qui ont mis en application ce qu'ils ont appris comme vérité, et ça, c'est un deuxième degré, c'est un autre degré. Ils se sont conseillés mutuellement la vérité, hein, en orientant, par orientation, par enseignement, et ça, c'est un troisième degré. Ils se sont conseillés mutuellement la patience, ils ont patienté sur la vérité, ils ont conseillé la patience à autrui, ils lui ont conseillé d'être ferme, etc. Et ça, c'est le quatrième degré. Et ça, c'est le summum, hein, c'est le parfait. Parce que le parfait et le complet, c'est que la personne soit complète en lui-même. Et il complète autrui. Et pour qu'il soit complet lui-même, il faut qu'il ait une puissance scientifique, une puissance dans les œuvres. Et la puissance scientifique vient du fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître Allah subhanahu wa ta'ala comme il dit, comme il est dû à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la puissance au niveau des œuvres, c'est avec les bonnes œuvres, ce qu'il doit mettre en application. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne, ce que lui a ordonné le messager alayhi salam, et que ses œuvres doivent être faites sincèrement pour Allah, et dans le suivi du messager alayhi salam. Ça, pour être complet en lui-même, et pour compléter autrui, c'est en enseignant à autrui, et en patientant sur cela, et en conseillant à autrui la patience pour le savoir, pour la demande du savoir, et la patience pour la mise en application. Partons de là, tu comprends, hein? Malgré que la sourate est petite, il réunit le bien de tous les côtés, et la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, frère en Allah azza wa jal, que Allah subhanahu wa ta'ala tire notre attention dans le Coran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Ne méditent-ils pas le Coran, ou alors leurs cœurs sont cadenassés? Parce que la méditation du Coran amène à la personne à avoir une vision très large de la situation. Et quand il a cette méditation du Coran, cette compréhension vient de la parole des pieux, ridwanullahi alayhim, et qu'il est basé sur, hein, cette compréhension du Coran, hein, a été devancé par une connaissance parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager alayhi salam, tout cela donne une certaine clairvoyance, une certaine clarté à l'esprit de se soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est pour ça qu'il est de notre devoir, quand on lit Fatiha dans le Coran, en écoutant l'imam, tout en écoutant l'imam, de se présenter la signification de ce qui est en train de dire l'imam. Là, quand je prie tout seul, je me présente, hein, ce que je suis en train de lire. Et aussi, la signification ne suffit pas tout simplement de comprendre, c'est aussi, il doit avoir un impact dans nos actes. Quand tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il est alim, il connaît tout, il sait de tout. Puisque tu sais qu'il sait tout, tu ne dois pas faire n'importe quoi. Comment il te sied, connaissant cet attribut d'Allah, à faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Quand tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout, comment il te sied d'être dans un endroit qui est mauvais, en sachant que Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit. Et ainsi de suite. Donc cette connaissance des noms et des attributs doit avoir une percussion sur notre vie. Il doit nous pousser à une soumission et à une obéissance. Et à faire très attention. Et à s'auto-observer. Et à faire notre checking avec nous-mêmes. Et à regarder qu'est-ce que nous avons fait dans une journée. Prendre le temps de regarder qu'est-ce que je fais dans la journée. Où sont mes lacunes vis-à-vis des droits d'Allah, vis-à-vis des droits du messager alayhi salam. Hein? Parce que le musulman doit être éveillé à l'islam. Il doit être éveillé. Et je vais arrêter là, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Wa ahsallahu likum wa jazakumullahu khairan.